Les participantes à la 6e conférence de l'Union démocratique des femmes de Corée ont vu le 14 au Palais de la culture du peuple à Pyongyang un documentaire pour l'apogée suprême de la révolution avec des permanents du comité central du Parti du travail de Corée. Le film montre l'histoire révolutionnaire du maréchal Kim Jong-un qui appelait l'armée et le peuple de tout le pays à l'édification d'une puissance socialiste et manifeste au niveau suprême la dignité et la puissance de la Corée du Sud par sa direction énergique.